C'est dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde. Ah ouais mon pote, c'est ça le tennis. Thank you. Thank you. Thank you.